N'entends-tu donc pas le hurlement des carnassiers là dans la plaine? Il flotte par là-bas des sentiments aux formes obscures mais pas humaines. Alors raccroche-moi encore. Je te dis accroche-moi encore. Si tu t'égares par là, un mauvais soir, ne tremble pas, il te surveille. Il se jetterait sur toi et amputerait ton cauchemar de son réveil. Rappelle étrangement ce passé que l'on traîne.